Donc, oui, on a des nez de clown. Moi, je prédis que d'ici 3 minutes, ça va prendre le bord parce que ça tape ses nerfs. C'est une soirée spéciale clown parce que tantôt, ça va être Alan Smithy qui va venir faire les projections et moi, je vais être son ami et je vais l'aider. On devrait aussi avoir le plus douche de tous les membres de douteux.org qui va venir l'aider. Ça s'en vient tantôt. Sinon, ben pour l'instant, on est prêt pour 70%. Nick, le magicien là-bas. Il fait signe. On l'aime, Nick, on l'aime. Donc, désolé pour le petit délai, je pense que maintenant, ça commence. Bruno? Oui, bonsoir. En manchette ce soir, on parle-tu de la même hostie d'affaires que d'habitude? Oui! OK, oui! Vous êtes à 70%. Seul le ninja peut tuer un ninja. Ouais, je pense que c'est la fin de la chanson. En fait, celle-là, c'est notre 11e Toontem. Elle a été composée par mon petit frère François. François, ça paraît pas dans ce qu'on vient d'entendre, mais c'est un excellent musicien et c'est aussi un drummer vraiment hors pair. Salut tout le monde, mon nom c'est Tommy Godette. Vous êtes à 70%. Votre rendez-vous hebdomadaire, on dit ça comme ça, hein, quotidien, non, ça chaque jour. Voilà, on est à 70% au brouhaha. Peut-être tout de suite commencer, je pense que les chroniqueurs pour la soirée de ce soir, j'y vais dans l'ordre avec mon poulet. On a Éric Carmen, Mathieu Boudreau qui m'a dit qu'il y en avait long ce soir pour les boudrites qui sont dans la salle. Ça, les boudrites, Yann, c'est les fans de Mathieu Boudreau. Ah, OK. On les appelle comme ça. Il y a Jesse qui est de retour avec nous. On a Toto aussi qui est de retour. On a notre... Oui, on aime ça revoir Toto. On a notre chroniqueur sport en la personne de Fred Fournier. Et Damien, ce soir, je pense que c'est un publicitaire que tu disais. Je vends l'invendable. Et voilà! Toi et la glace à des Esquimaux, t'es passé au-delà de ça. Et voilà, je l'aime donc bien. Là-dessus, ben Bruno, toi ce soir, on va parler de la même affaire que d'habitude, ça se résume. Hein? Peut-être. Je vois que t'as donné ton 70% pour vrai pour asseoir. Sinon, ben, on vient d'écouter le film de la soirée avec notre invité. Je vais vous demander d'applaudir Yann Thériault, s'il vous plaît. Il est avec nous ce soir. Il s'est déplacé de Rouyn-Noranda pour venir à un spectacle avec nous. Ben oui, parce que j'ai appris ça, Yann. Toi, t'es un Rouyn-Norandien de naissance. Ouais, je viens des vins, à côté. Et voilà, chez Gibbs, toi, ça, c'est chez ton départ. Chez Gibbs, oui! J'allais t'inquiéter chez Gibbs. On volait des bonbons chez Gibbs. Ah oh, ben, Colin, oui. La confession est enregistrée et diffusée live. Vous allez pouvoir la revoir en archive. Comment tu le dois, à peu près, tu penses? Ah, je sais pas, mais c'est comme kit, parce que le fils Gibbs, il avait mis de l'antigel dans mon windshield washer. Ah, pis ça, non, c'est... Non, de l'antigel de radiateur dans mon windshield washer. C'est le même format de bouteille en plastique, mais ça ne sert pas du à la Prastone, même affaire. Du Prastone, là. Le Prastone. Je te jure que c'est, dans c'est... temps de... Tu sais, quand tu passes ça dans une tempête... Du Prastone dans le windshield washer, c'est pas trop pire. Du windshield washer dans le Prastone, ça, va. Non, exemple, ça aurait été... Mais moi, t'avoue que dans un windshield... On parle en cas d'habitibier, puis je suis même pas à l'aise. Ça apprécie. Puis, je veux dire, toi, t'es né à Évin, t'as vécu là, grandi là, la source, puis tout. La source. L'arcade aussi. L'arcade. Ben oui, t'as l'âge de l'arcade au centre d'achat. Est-ce que tu te souviens, parce que ça, c'est quelque chose qui existe pour vrai, en Abitibi, on a un centre d'achat. Et le centre d'achat, dans les années 80, début 90, il y avait une publicité qui vantait qu'on avait, dans ce centre d'achat-là, le seul escalier roulant de toute l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ça dit quelque chose? Là, il invitait les gens à venir voir l'escalier roulant. c'est parce qu'il manque beaucoup de quelque chose, penser ça. Sinon, ben Rouen, c'est quoi pour toi? Pourquoi t'es parti? Ben, je travaille en télé. J'ai travaillé comme caméraman de nouvelles à Radio Nord. Il n'y avait pas assez d'heures pour moi, fait que je suis venu ici à Montréal pour essayer de travailler en télé. OK, fait que c'est comme l'Abitibi qui avait plus besoin de toi, puis toi, t'as dit, ouais, c'est ça. Moi, je veux faire encore de toute façon, ça tombe en grève à tous les deux ans sur Radio Nord. Ah, c'est débile. Chaque fois, c'est... j'étais comme... Oh, je connais fuck deux off. Personnes qui travaillaient là puis qui ont décidé d'aller faire au-dessus quelque chose ailleurs, et ça n'a aucun rapport. Je voudrais saluer Jessica Lesage et Sylvain Noël, mais je veux dire, comment t'as fait pour commencer ça, la télévision à Rouen et tout? Tu voulais ta carrière à Rouen? Ouais, mais j'avais aucune ambition d'être devant la caméra ou de faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'étais un monteur, réalisateur, caméraman. J'étais comme un technicien. Fait que j'ai été étudié à la Cité collégiale. Ah, voilà. Et après ça, je suis allé à Rouen. J'ai filmé un des seuls cadavres. Un des seuls meurtres quand ils ont trouvé le cadavre. Tout était là, live. C'était avec la caméra. C'était moi le caméraman. Ça sentait. Ça passe encore aujourd'hui à un tueur si proche. C'est bon, on l'applaudit quand même. Ben oui. Il a vu un mort. Ouais. Ça sentait-tu weird? Il a vu un mort, puis il y a des preuves. Ça sentait très weird. Est-ce que c'est vrai que Mike Ward, il sent weird? Non. OK, c'est bon. Mais on parlait de ça, je me suis dit, on va faire le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rappelle l'odeur des cadavres? Genre est-ce que t'as comme des espèces de retombées de cette rencontre-là? C'est une odeur assez unique. Ouais, hein? Je te dirais, ouais. Quand je suis arrivé, c'est drôle parce que quand je suis arrivé, en fait, j'étais sur un feu. Puis la police qui était à côté de moi, elle a reçu comme un code sur son CB. Puis là, elle m'a regardé, elle a dit t'as rien entendu. J'ai fait comme, j'ai rien entendu quoi? Elle a dit t'as rien entendu. Ok. Puis là, j'ai fait comme, entendu quelque c'est chose. Sûr, là, juste de m'avoir dit ça, tu sais, je fais comme, ok, il doit avoir de quoi de douteux. Fait que là, il s'en va dans son char, puis il part, puis je le suis. Puis j'arrive, puis là, ben c'est ça, il y avait une scène, puis c'était un gros cas de meurtre, là. En tout cas, ça passe à un tueur si proche, c'est la fille qui se faisait battre par son mari à profusion, puis à un moment donné, elle a décidé de le tirer, le crisser dans un coffre. Elle a crissé ça sur le bord du lac Ossisco. Puis c'est tout moi qui a filmé ça. Elle s'attendait à genre le lac Ossisco, il est assez chimique, il va tout avoir mangé ça. Ah oui, c'est ça! Le lac Ossisco, pour ceux qui ne savent pas, c'est au centre de Rouyn-Noranda, parce que la ville de Rouyn-Noranda, moi, je la trouve sublime. L'été, c'est la plus belle place au monde. Puis après, il y a l'hiver, 5 mois par année. Mais bon. Dans la ville elle-même, il y a plusieurs lacs. Et il y a un superbe lac qui s'appelle le lac Ossisco, mais que tous les Rouyn-Norandiens... C'est comme une zone noire qui n'existe pas, dans le fond. Tu peux pas aller dans ce lac-là, tu peux pas toucher l'eau de ce lac-là. Mais là, ils l'ont nettoyé, là. Tu peux aller te baigner, tu peux aller pêcher sur le lac. Ben, ça fait bizarre Kiwanis, parce que ça, juste l'autre côté de la rue, tu as le centre d'achat. Fait que tu peux envoyer la bonne femme magasiner, toi, tu t'en vas à la plage, tu t'en vas pêcher. Je te jure, en plein milieu de la ville. Ah oui, ça. Il n'y a aucune ville au monde où tu peux faire ça. Aller à la pêche puis envoyer ta bonne femme magasiner. Je peux t'en nommer une. Je peux t'en nommer une autre. Ouais, ah oui, laquelle? On savait qu'il était pour avoir un douchebag qui sort. Là. Ouais, je savais pas qu'il était pour être à l'interne, là, mais on t'écoute, Jesse. À Saint-Georges-de-Beauce. À Saint-Georges-de-Beauce? Ben oui, ouais. Mais ça, c'est juste pendant le déluge puis l'eau est trop fraîche. D'après moi, non, à Genève, peut-être aussi. Ouais, ou Venise. Ouais. En tout cas, je suis Venise, fière. C'est trop pollué, je pense pas que ça marche. Ouais, j'avoue. Hein. T'es-tu pour ou contre la pollution? Je me suis pas positionné là-dessus. J'avoue que c'est un gros dossier. Tu veux c'est pas un, c'est un gros dossier. Tu voudrais pas lancer une polémique. Non, exactement. Pis sinon, ben là, tout le monde te connaît. Je veux dire, Yann Thériault. Personne me connaît. Yann Thériault, décris-moi. J'ai mis ta description sur le site. T'es un fan d'Internet. Tes habiletés de technicien, de monteur et tout. T'as amené ça, toi, au 2.0. Ouais. J'ai décidé. En fait, il y a 5 ans à peu près, j'ai décidé. Ça faisait. Avec Twitter, avec Facebook, j'ai commencé à faire de l'humour, à faire de la satire beaucoup. Puis, j'ai décidé de. J'ai décidé d'explorer le web. Parce que c'est un gros carré de sable pour moi. J'ai dit, faut que je fasse de quoi. Fait que j'ai décidé de faire comme vous autres, de diffuser le live. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mon premier podcast, ben mon podcast principal qui est le stream. Ça okay. fait 5 ans que je le fais. Puis au début, je faisais comme vous autres, je diffusais en vidéo. J'avais aussi une version audio, puis je mettais ça sur Internet. Et voilà. Exactement. Ça, je pense que, et ça s'adresse à tout le monde qui font du podcast, mais je pense qu'on est en train de s'aider, là. Hein? C'est important, les différentes personnes qui créent du contenu Internet, c'est important qu'on s'appuie. Hein? On n'est pas des ennemis l'un de l'autre, parce qu'on est en train de profiter du fait que les gens commencent à changer de manière de consommer leur culture. Avant, c'était la TV câblée et puis t'avais les pubs de pick-up. Et maintenant, ben c'est plus comme sur le net, ça va mieux zapper. Tu peux mieux sélectionner ce que tu veux, puis c'est plus comme des pubs de produits pour le corps, genre. Je sais pas. Bon. Des pubs de flashlight. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as commencé en plus à l'époque où il n'y avait pas encore de pub tant que ça. Là. Je veux dire, te faire un compte YouTube monétisé, ça t'es-tu déjà passé par la tête? Oui. Mais je fais pas assez. YouTube, je l'utilise surtout pour mes capsules. Je fais des capsules, je fais du dessin animé. Je fais des coups de téléphone que je transforme en dessin animé. Fait que j'ai lancé les crapules, on a fait ça. J'ai utilisé beaucoup YouTube à ce moment-là. Après ça, j'ai utilisé surtout Ustream, mais vu YouTube sont ben sévères sur le contenu avec les droits d'auteur, tout ça. Puis moi, je fais jouer de la musique, puis Du Van Halen avec David Lee Roth, là. Ouais, c'est ça. Ça se reconnaît, c'est bien pour n'importe quel appareil. Puis YouTube sont très, très sévères. Ils sont capables de le reconnaître, puis ils te bloquent ça, c'est pas long, fait que... Puis, je veux dire, ça prend combien de temps? C'est même pas 2 secondes. Là. Ah c'est... non, c'est une affaire de 5 secondes. Ils disaient, hey, t'es en train de faire jouer une toune qui a des droits d'auteur. Enlève ça. Bye! Fuck you, Terrio! Et voilà, on les remercie beaucoup, d'ailleurs, les moteurs là-dessus. Yann, c'est ta première fois à 70%. Ouais. Tu découvres ça. Tantôt, on a écouté le film. Peux-tu me parler un petit peu du film des Killer Clowns? J'ai adoré. Tout est là. Le spirit des années 80, toute la musique, toutes les le scénario, les dialogues, tout est là, tout dans sa plus belle simplicité. Je me demandais si les gars avaient fait par exprès pour que... Ah oui, oui, c'est comme s'ils s'étaient dit, en 2015, tu sais, ça pognera pas notre film, mais en 2015, le monde va tellement triper, il faut faire ce film-là. Faut se faire financer, le monde va rire de nous autres en 2015. Ah ben c'est beaucoup le but de notre organisme, en fait, de déterrer des vieilles affaires comme ça, et puis ben, des mettre, mais des faire fun, découvrir. Mais c'est le fun, ça, moi je vous connaissais pas pantoute. Ben bien là, je suis arrivé, puis là, tu m'as dit, il y a comme lui, là. Lui, comment vous l'appelez? Joe Pub? Vous avez comme... Ouais, Johnny Publicité, ben oui. Ouais, Johnny Publicité. Vous êtes comme tout un... Ah ouais, on est bien établi. Comme The Expendables, tu sais, tu me présentes. Ça, c'est Johnny Publicité, un expert en explosifs. Ça, c'est notre tireur d'élite, Jimmy TNT. Ça, c'est... Ah ouais, on a Bruno, qui est notre diplomate. Oh, on est équipés. C'est comme les Expendables. Puis sinon, voyons, il y avait une question que je voulais te poser. Ben, anyway, ça va me revenir. Tu passes le show avec nous à partir de bientôt. Il va y avoir des chroniqueurs qui vont venir se relayer. N'hésite pas, t'as le micro. On va entendre tes commentaires parce que toi, t'es pas là tout le temps. Tandis que eux autres, ils collent là à chaque semaine. Donc, à partir de maintenant, Nicolas, s'il te plaît. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. J'ai pensé proche d'être capable. Mais les vitres qui explosent à la fin. Vas-y Bruno, parle-nous de l'univers. Non. Non. Pas du Canadien, genre? Non. Non, désolé, je fais pas ça cette semaine. Parce que ça me tente de dire quelque chose à la fois à la place de faire ça, puis ça risque d'être un peu moins drôle. Mais on va vous demander votre attention quand même si c'est un petit peu moins drôle. Ça fait plusieurs semaines que je me demande à quoi je sers à 70%. Chaque semaine, je trouve de moins en moins de nouvelles que j'ai envie de lire, puis je me demande pourquoi. Puis je me dis, est-ce que c'est parce que l'univers devient plus intelligent? Je penserais pas. Même que j'ai l'impression que je vois une tendance inverse. Parce que les médias font mieux leur job puis rapportent des nouvelles importantes. Je vais vous laisser y répondre par vous-même à celle-là. Parce que les gens répètent toujours les mêmes erreurs, puis la nouveauté est moins là. Probablement un peu. Après 8 ans de lecture de nouvelles à 0.4 vols de dépanneur par semaine, à un moment donné, on se tanne. On a envie de parler d'autres choses, tu sais. C'est-tu parce que ma dépression est revenue? Ben, tu l'avais annoncé, je pense, il y a 2 semaines. Elle n'est jamais vraiment partie, je pense. Ouais. Est-ce que c'est pour une réponse à développement? Introduction. Commençons par où est-ce qu'on est ici, 70%. 70%, c'est une émission variée, on a parlé beaucoup. C'est une émission désorganisée avec aucune vraie ligne directrice. On sait, par exemple, pourquoi on est ici, au moins pourquoi on est ensemble. Avant d'être des chroniqueurs à un podcast, la gang ici, on est des chums. On aime ça passer du temps ensemble, on aime ça s'écouter, on aime ça comprendre les opinions des autres, on aime ça critiquer le monde qui nous entoure. 70%, c'est lié à l'OBNL douteux.org. Douteux.org, ceux qui organisent les visionnements à tous les lundis. Tout ça bénévolement, d'ailleurs, j'aimerais le répéter, mais c'est pas pour vous shamer ou quoi que ce soit. Quoique. Je dis simplement ça parce que il doit y avoir quelque chose qui se passe pour qu'on soit autant à revenir à tous les lundis. Puis je parle de vous aussi dans la salle pour voir et écouter ce que la culture a de plus facultatif à offrir. Parce que oui, c'est amusant, mais est-ce que c'est éducatif? On aimerait ça penser que oui. On aime penser que les gens viennent toutes les semaines pour se poser des questions, pour douter ce qui leur est proposé. Puis qu'ils ramènent ce doute-là chez eux aussi quand ils vont regarder le dernier Fast and the Furious ou quand ils voient des gens passer du temps précieux sur Internet à chialer contre le look du nouveau Joker. Au lieu d'aller s'informer sur des choses qui pourraient peut-être avoir un réel impact sur leur vie. C'est certain qu'on n'a pas de contrôle sur ce que les gens font avec ce qu'on leur sert. Étant un fervent défenseur de l'approche interprétationniste en art et peu importe, dans n'importe quel autre média, je le comprends totalement. C'est difficile donc de tenter de signifier quoi que ce soit en présentant un morceau de culture sans faire un commentaire. On aime aussi faire confiance à l'intelligence des gens, fait qu'on leur tape pas trop sa tête avec ça. Donc disons que 70% n'ont pas de réelle direction, mais que c'est la tribune de douteux.org, le moment qu'on prend pour faire le commentaire dont je suis en train de parler. Une gang de chialeux allumés, de l'anti-radio poubelle qui préfère vous laisser vous poser vos propres questions au lieu de les poser à votre place. C'est certain qu'on est mal compris des fois, on essaye des affaires, on fait des blagues mal placées. 70% c'est une expérience, c'est un projet qui est en constante évolution. C'est normal qu'on se perde des fois, qu'on devienne inconfortable ou confortable dans notre routine, qu'on oublie pourquoi on est vraiment là. C'est à ces moments-là qu'il faut exercer notre droit et notre devoir de se remettre en question, de se poser la question, c'est quoi notre hostie de problème? Ce qui ramène à 70% et à mon hostie de problème. Je suis lecteur de nouvelles, je suis ici toutes les semaines en veston-cravate, ce qui me donne une crédibilité automatique, que vous le vouliez ou non. Effectivement. Je lis des nouvelles dont vous n'avez clairement pas besoin. À part peut-être pour le fait que c'est bien drôle, mais je suis comme tanné d'être drôle. Pourquoi d'abord? Pourquoi je passe 6 heures à chaque semaine à chercher, à écrire, puis à lire des nouvelles devant vous? Est-ce que je suis là pour vous informer? Pas vraiment. Pas dans le sens radio-canadien du terme, en tout cas. Les informations que j'apporte sont pas nécessairement essentielles. Est-ce que je suis là pour vous divertir? Peut-être un peu. Comme les vidéos qu'on passe à toutes les semaines, c'est comme la chronique de tous mes collègues. On est quand même là pour avoir du fun. Quand même. Mais c'est quoi le commentaire que je veux faire? Il traite de quoi? Parce que c'est difficile quand on rapporte une nouvelle de faire un commentaire, sinon c'est de l'éditorial, puis je pense que de l'éditorial, on en a assez dans la société dans laquelle on évolue en ce moment. Est-ce qu'il existe maintenant autre chose que l'éditorial? Exactement. Je me fais encore souvent demander, c'est-tu des vraies nouvelles? Oui. 100%. Tout le temps. Toutes les semaines. Récemment, j'ai répondu à cette question-là pour la énième fois, puis quelqu'un m'a renchéri en me demandant « Mais est-ce que c'est possible que ce soit des fausses nouvelles que les médias utilisent pour faire du clickbait ou pour nous déconcentrer, pour nous informer mal? » À cette question-là, je pense qu'il faut l'aborder en deux parties. Premièrement, est-ce que c'est si difficile de concevoir que sur une planète aussi grande, il y a au moins 8 affaires vraiment connes qui arrivent par semaine? À la seconde! Moi, je sûr qu'il m'est arrivé au moins 8 affaires vraiment connes depuis que je suis parti de chez nous un matin. Ensuite, est-ce que c'est un moyen de nous déconcentrer pour qu'on soit mal informé? Comme que les médias utiliseraient des nouvelles moins importantes pour nous distraire? Je sais pas. Je ne sais pas. Fait que c'est quoi mon commentaire? À quoi, Serge? Remettre en question l'humanité pour prouver par l'exemple, peut-être? Plein de gens font des choses connes. Est-ce que ça veut dire que l'humanité est conne? Je sais pas, je pense pas. Démontrer que l'humanité avance à 70%, comme si j'étais l'attache à la réalité de ce show de radio, comme si je pouvais démontrer quoi que ce soit avec mes nouvelles. Disons que mon approche, c'est ça, moi. Ouais. Ben, disons que mon approche est assez cynique et déprimante à mon image. Puis c'est peut-être ça mon petit problème, dans le fond. D'un point de vue social, humanitaire, je voudrais que le monde aille mieux. Mais d'un point de vue personnel, viscéral, peut-être que je suis conscient que le monde va mal, puis peut-être que ça fait mon affaire. Peut-être que je suis déprimé parce que le monde va mal, mais probablement pas. Le fait que le monde aille mal, c'est peut-être juste une excuse pour justifier ma dépression. La vraie question, c'est est-ce que je veux arrêter d'être déprimé? Puis la réponse, c'est non. Je l'aime, ma dépression est à moi. Elle justifie le fait que je sois triste tout le temps. Si j'arrête d'être déprimé, je me définis avec quoi? Peut-être que c'est pour ça que je suis juste capable de parler de ce qui va mal. Fait que pourquoi je lis les nouvelles à 70%? Pour la bonne nouvelle? Je pense que j'aime mieux vous laisser y répondre. Parce que t'es le meilleur. À la lumière de tout ça, je voudrais vous annoncer quelque chose qui me réjouit pas trop. Je ne remets pas ma démission à 70%. Oui, je vais être là la semaine prochaine avec des nouvelles puis une meilleure attitude. Bon show. Oh, tu veux-tu un câlin? Colin. On t'aime! On t'aime! On t'aime! Oh! Ben oui, t'as été sévère avec toi-même, là. Moi, je pense en fait que, comme t'as dit, c'est vrai, c'est une vraie attache avec la réalité. Je pense que t'es celui qui amène les faits qui nous permettent de peut-être, nous, aller plus loin ou être un peu plus diffus. Ben, moi, je pense. Diffus? Merci. Moi, diffus, avec encore moins de direction. Gage un poulet. Sinon, ben toi, Yann, tu travailles surtout en solitaire? Oui, beaucoup. Beaucoup? Fait que tu te sauves des affaires de même? Oui, mais là, il est comme attachant, j'ai le goût de faire un hug. Ah ben oui, puis en plus, je le il vient de se dire à lui-même c'était quoi son petit problème. C'est quand oui. même. Ah oui, c'est Bruno. On l'applaudit encore, let's go! Bravo, Bruno. Ah oui, moi je dis Yann, va y faire un câlin, ça va faire une belle viens photo. Ici, viens, je vais te faire un câlin. Oh. Et puis, que c'est plein d'amour, ça. J'avoue. Il semble qu'il a besoin d'amour. L'avez-vous maltraité pour qu'il arrive de même? Non, il se maltraite. Il fait des nouvelles. J'ai pas besoin de personne. Lui, actuellement, il fait des nouvelles. Puis là, à soir, il a décidé qu'il faisait une introspection. Ben oui. Est-ce que c'est parce que Yann est là? Ou... Non, c'est tombé sur toi complètement par inadvertance. Et voilà. Ben, Nick, je pense qu'on passe au prochain. On continue 70%. Mesdames et messieurs, vous écoutez le Super Plus sur DTV. Damien, veux-tu bien... Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, pour 70%, j'ai besoin d'introduire la parole entre vous et moi, les gens qui co-animent, mais légèrement. Sache, Tommy, qu'aujourd'hui, je suis allé dans un colloque universitaire où j'ai parlé du rapport des extraterrestres et de la dimension sacrée. Ce n'est pas une blague, donc c'était vrai quelque chose de très anal. On a bu du vin dans des petites coupes en plastique. Et après ça, je réfléchissais à mon avenir. Dans le fond, je ne peux pas devenir prof parce qu'ils coupent dans les cégeps puis tout. Pis je trouvais ça vraiment déprimant. Et là, j'étais dans le métro et une publicité est venue me chercher. Mais me chercher, Tommy. T'as pas l'impression à quel point c'est venu me chercher. Ça disait HEC, un certificat qui s'appelle Guillaume. Donc, dorénavant, on peut brander son, cer- son certificat au HEC. Donc, moi, je veux comme une étude de moi-même qui me reflète en tant que personnalité. Je consomme de l'éducation et je suis désormais capable d'appeler ma formation universitaire par mon nom. Qu'est-ce que ça serait, la formation universitaire qui porterait mon nom? Ça serait une formation universitaire qui emporte le spectateur au loin, qui le prend dans une sorte de pouvoir, une gaine d'acier, qui le ferait souffrir, un peu comme quand Vegeta, transformé en gros singe, écrase toutes les os de Sangoku. Quelque chose de puissant, là. OK? Et c'est pourquoi j'ai décidé d'exploiter mon talent caché pour l'inutile, c'est-à-dire le talent de publicitaire. Yeah! Oui, publicitaire, mesdames et messieurs, ce qui me rend riche sans l'argent. Merci. Cette cloche ne fonctionne pas bien. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé de devenir publicitaire, je me suis donné une quête, qui est celle de vendre l'invendable. Et comment vendre l'invendable? Il s'agit d'une nouvelle approche du produit. Utilisant mes dons pour l'intellectualisation facile des faits de la vie courante, je me suis qualifié d'espion, de ninja, et je me suis mis à espionner les intellectuels et comment ils réfléchissent par rapport à tout ce magma nauséeux qu'est la publicité et les produits de consommation. Donc, devenir publicitaire, c'est utiliser la critique contestataire pour la renverser sur elle-même. Un peu comme O'Brien, dans 1984, cornait parfaitement le discours de la résistance. Un peu comme le résistant au gars dans Brave New World connaît parfaitement le discours de la résistance. Un peu comme l'autre gars aussi dans Fahrenheit 451, l'ennemi, connaît parfaitement le discours de la résistance. Donc, qu'est-ce que j'ai à vendre, mesdames et messieurs, ce soir? Rien! Yeah! Je n'ai rien à vendre, juste de la connaissance. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des idiots, tous autant que vous êtes. Jean Baudrillard l'a vu. À défaut de comparer la société avec elle-même, je dirais que vous êtes encore plus primitifs que les hommes des temps archaïques qui espéraient à la nature comme une mère protectrice qui les abreuvait d'eau, de graines, et ainsi que de petites fleurs avec des écureuils qu'ils s'achevaient de tuer en brisant le cou pour se nourrir. Mesdames et messieurs, vous êtes encore plus idiots que ces gens-là, car vous croyez en la consommation comme une mère protectrice qui vous abreuvera de ses biens comme au temps de la Nouvelle Jérusalem où chaque idiot a son patelin pour se dire « Je suis l'élu ». Mesdames et messieurs, j'ai aussi lu un autre livre tangible que je ne trouve pas autour du lutrin. Le voici, il est en dessous de mon cahier. Ben oui, ça ressemble à un livre de méthode quantitative. Non, il s'agit de Naomi Klein, No Logo. Oh, c'est bon ça. C'est une femme canadienne, aimable, qui est très, très, très intelligente. Elle a remarqué que dans les produits de consommation, il y avait une relation spirituelle qui se développait entre le produit et le consommateur. C'est-à-dire que la société archaïque, lorsqu'elle n'a plus ce qu'elle demande, peut se la procurer comme par magie en payant, un peu comme quand on regarde la télé et qu'on switch d'un canal à l'autre sans regarder vraiment ce qui passe sous nos yeux, bien sûr, car le plaisir est dans le fait de changer d'état. Merci. Je vais donc vendre l'invendable en vous vendant ce réceptacle vide. Il s'agit d'une pinte de bière que j'ai vidée moi-même. En fait, j'avais vidé ma bière. Quelqu'un m'a pris mon accessoire de scène et je suis allé à le piquer au gars qui est là-bas. Okay. Donc là... Tu vois, il y a quelqu'un qui donne 10$ pour... Selon nos logos, là, ce qu'il faut que je vende, c'est pas la bière en tant que telle, parce que c'est vide, la bière. On peut pas montrer les gens qui boivent à la télé. Donc, ce qu'il faut que je vende, c'est l'idée de la bière. Brainstorm! Piou, piou, piou! C'était le son du brainstorm. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur... Qu'est-ce que je peux dire sur l'idée de la bière? Je l'écris. Hey, Natacha, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'idée de la bière? Ah, c'est frais, c'est jeune. Je l'écris, OK? Attends, c'est frais, c'est jeune, public. C'est mouillé. C'est mouillé. C'est pétillant. Ça permet plus d'êtres humains sur Terre. Ça me rend plus beau. Non, mais attendez. Faut faire un rapport de relation, faut que ça soit tripartite, comme une triade. Ça peut pas être binaire, bière, pas bière. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entre-deux bières, selon vous? La mousse. La mousse. C'est bon, c'est la mousse. Je le note. La mousse. Donc, ici, on est dans une microbrasserie. Pensez-vous que... Je comprends pas. OK, d'accord. Ici, on est dans une microbrasserie. Pensez-vous qu'il y a un moyen d'aller, en fait, de la bulle classique, c'est-à-dire qui n'a aucun goût et qui goûte le métal comme ma cloche? Ou aller vers une bière, en fait, qui a toutes les saveurs de l'arc-en-ciel? Ah, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Ben, oui, voyons. L'arc-en-ciel. Ben, je me sens un petit peu manipulé dans cette réponse-là. C'est spirituel, tu vas comprendre plus tard dans l'autre monde. Alors, maintenant, parce que j'ai fait un brainstorm avec mon public, qui est comme, en fait, une troisième personne dans ma tête, je vais demander à Nick de partir la toune. Et j'espère qu'il va avoir des bonnes tounes, parce que cette semaine, les musiciens n'ont pas trop travaillé fort. J'étais obligé de les fouetter. Donc, prochaine toune, s'il vous plaît. Ça sera de la toune. Oh, la bière vide. Oh, frais jeune, mouillé, voluptueux mousse, l'arc-en-ciel. Ah non, j'ai pas aimé ça, ça faisait trop comme gars de camion, t'sais, gars de, du match des étoiles ou... Oh, c'est mieux. Oh, frais jeune, mouillé, voluptueux mousse, l'arc-en-ciel. Non, j'aime pas tellement ça. J'aime pas tellement ça. Ça prendrait quelque chose de plus spirituel, justement. Quelque chose qui connecte avec... Ben non, fuck off, Garfield, là. Chris, esti, ça prend de cette bière-là, l'arc-en-ciel, manger un peu de lasagne. Non, ça marche pas pantoute. Ça prendrait quelque chose de plus vigoureux, quelque chose qui appelle les neurones, quelque chose qui frétille dans la tête, esti. Quelque chose qui vient vraiment chercher le consommateur des schnolls. Je veux vraiment... Oh, oh, oh, là, Game of Thrones. Voulez-vous que je monte mes fesses? Je suis pas gay, tabarnak. Wow. Ok, là, je commence à faire des jokes plates. C'est pour ça que j'aurais besoin de la fin de mon sketch et la prochaine toune. Donc, frais, jeune, mouillé, voluptueux, mousse, l'arc-en-ciel. Ça s'en vient. Tous les soirs, en revenant du match, j'ai l'habitude de me mettre un peu dans le tissu dorifique. Mais pas ce soir. Non, parce qu'elle m'attend à la maison. J'ai envie d'amener l'odeur du hockey dans la chambre à coucher. Une bière, peut-être, mais ce sera après, lorsque nous aurons fait ce qui nous tente. Voluptueux, mousse, l'arc-en-ciel en bière. Oh. Yeah! Oh! Sacré Damien! Asti qui est unique, ce gars-là. Je me rappelle quand je l'ai trouvé, hein. Il était le plus faible d'une portée de 12, là. J'avais les mains froides. Oui. Tu m'as réchauffé, les et mains. Voilà. Damien, merci beaucoup. C'était de toute beauté. Le plus faible d'une portée de 12. On n'aurait jamais cru, hein, à l'époque. Je pense... Ça va, Yann, ton 70%, tu le vis bien? T'es-tu content de ton rôle quand il dit ça à lui? Ouais. Le plus faible d'une porte et 12, Carlis! Bon, je pense que tu peux partir la prochaine, Nick. Merci. Okay, c'est qui notre prochain chroniqueur? Moi, je dis ça va être Jesse. Invité. Salut, Jesse. Hey, salut. Comment ça se passe? Moi, ça va super bien, mais Bruno, je t'aime. Oh. Ils sont en train de le vivre. Donc, Hey, Jesse, c'est pas une... c'est quoi ta quest? Ah, oh, t'es tellement gentil de me demander cette question-là. C'est fou, hein? En fait, si t'es vraiment un fan fini de World of Warcraft puis que tu joues... World of Warcraft? OK, voyeux, tout le monde. OK, on s'en calisse de comment je le prononce. Wow, OK. Ah, bon, ça, c'est à chaque bon. Expansion, il y a une petite quest de analyse de tes crottes. Fait que ça va être ça, ta quest, analyse tes crottes. Bon. OK, je vais en... Hey, ça a bien suivi. You've been Jessied, hein? Ça I survived Jessie. Ça va te prendre le T-shirt. Si tu fus. Non, non, on suit. Si tu fus. Bon. Donc, ma chronique cette semaine... C'est une chronique sur un animal. Tiens donc. Moi, j'aime ça, les animaux. Ouais, moi aussi. Puis, vous allez comprendre à la fin, mais ça fait, c'est dans le fond, Feminist Power. Donc, je vais vous parler du cnémidophorus. En fait, de la cnémidophorus. En fait, c'est un lézard à queue en fouet. C'est un petit lézard qui vient du sud des États-Unis au Mexique. Jusque-là, c'est standard, mais attendez-vous, il n'y a que des femelles dans cette espèce. Aucun mâle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre. Ça veut dire que un jour, la planète va être honnée que par des filles. Non, ça veut dire qu'il meurt de faim dans le désert. Et le pourquoi... Ta gueule! Le pourquoi... Vas-y, vas-y, prends-la ta chronique. Prends-la! Ben, oui, j'apprends! Ah oui! Fait que, en fait, le pourquoi, c'est qu'ils vont se reproduire par parthénogenèse. Parthénogenèse qui signifie parthénos, vierge, et genesis, naissance, donc la Vierge Marie. Mais en fait, pour faire plus simple, c'est de l'autoclonage. Donc, par contre, fait intéressant, il faut absolument qu'il y ait des ébats, des simulations de ébats amoureux et de copulation. Ciseaux, genre, les lézards! En fait, la relation sexuelle normale d'un lézard, c'est quand que le mâle monte sur la femelle, il va y pincer son cou, puis il est... Ça va, là? Tu veux-tu rester? Non, mais c'était parfait, on comprenait. Vas-y, donc, ben, c'est ça, il va pincer, le mâle va monter, en temps normal, va monter sur le dos de la femelle. Puis, les lézards n'ont pas de pénis, n'ont pas de vagin, ça s'appelle des cloaques. Donc, les cloaques vont se toucher. Je pensais appeler mon enfant de même, moi. Tabarnak! Marie-Cloaque. Ouais, Marie-Cloaque. Là, celle-là, tu vas l'aimer, Tommy, parce que le lézard a ce qu'on appelle un hémipénis, c'est un double pénis. Donc, si t'étais un homme lézard, t'aurais deux pénis. Ouais, mais j'aurais un cloaque. Et un cloaque! Ouais, en tout cas, je sais pas si je veux vivre mais avec ça. Mais bon. Fait que la simulation, c'est vraiment, elle se fait presque parfaite. Il va vraiment avoir un... Puis, dans le fond, c'est ce qui va provoquer l'ovulation chez la femelle. Un peu comme le chat chez les chats en passant, la femelle va avoir constamment des chaleurs, puis elle va ovuler seulement quand il va avoir une relation sexuelle, parce que sur le pénis, il y a des petits pics. Les petits pics, ils rentrent, mais quand ils sortent, ça fait mal, puis c'est ça qui va stimuler l'ovulation chez le chat en passant. Donc, petite parenthèse, parce que je parle vraiment du lézard. Et qu'est-ce qui va déterminer qui joue le rôle du mâle et de la femelle? Ça va être le taux d'hormones et la grosseur des ovules au moment de l'accouplement. Ah, j'aime ça. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, les ovules, on va checker. Ouais. Ben attends, là, je peux me déshabiller si tu veux. Non, pas vraiment. Ça serait pas la première fois. Oh, ça, c'est une chip shop. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, le mâle, ses hormones vont être vraiment basses. Et ses ovules vont être petites, donc ça va être à cause de ça. Hey, les ovules du mâle vont être petites, c'est weird qu'on entend ça. Les ovules de la femelle, en fait, parce que c'est juste des femelles. Dans le fond, ils fourrent fantômes. C'est vraiment des lesbiennes, là, carrément. Là. C'est des lesbiennes, ils vont jouer à ringuette. Ils n'ont juste pas de dildo. C'est vraiment weird, ça. Ils n'ont juste pas de dildo. Par contre, j'ai découvert quelque chose par rapport à ça. Excuse, on est à ringuette encore. OK, y a-t-il quelqu'un qui a une ringuette dans la salle? On va aller jouer à ringuette en attendant. Est-ce qu'il y a une lesbienne dans la salle? Ici. Mais tout ça, bon, je vous ai dit, il faut absolument qu'il y ait une simulation, mais ils ont découvert qu'en laboratoire, les femelles, il y avait des femelles qui réussissaient quand même à s'auto... Ah, tout seul, genre? Ouais, donc... C'est-tu comme se branler pour leur espèce, tu penses? Non, ça se fait... Imagine si t'avais eu un enfant à chaque fois que tu t'es branlé, là. Ben, la Vierge Marie, je sais pas, mais en fait, ça pour dire que mon lien avec le féministe, c'est ça, c'est... Dans le fond, ben, on va bientôt orner le monde, mais je pense on n'aura plus besoin de vous. Tout le monde est au courant que le chromosome Y est beaucoup plus faible et moins stable que le chromosome X. Ben oui, X, il c'est pour ça que même manque, le mâle là. En a au moins il te manque une patte anyway en partant. Exactement. J'aurais d'autres anecdotes par rapport à XY. Ben, mais... ça va-tu être la prochaine fois, tu penses? Non. Tu t'es fait là? Je peux t'affaire là, c'est juste... Il te reste 30 secondes. Ouais, c'est juste pour vous expliquer pourquoi que les chattes trois couleurs peut être juste des femelles, puis que si t'as un mâle trois couleurs, ben achète un billet de l'auto, parce que dans le fond, c'est le gène est dans le X qui okay. manque. Fait qu'il faudrait que t'aies un chat mutant XXY, ouais. Mais quand t'as un chat trois couleurs... C'est une femelle à moins de 0.00001 à l'infini, 1%. Achète. Pour vrai? Pour vrai. Tu connais tout ça? Ah oh oui, elle travaille là-dedans. Je suis technicienne en santé animale. Oh, je l'ai plugué! Oui! Mais c'est ça, mais j'ai fini. Merci puis, beaucoup, Jessie. Mais je t'aime, Bruno. Oh, non, mais il a dit qu'il était pour être là encore. Fait que c'est non, cette petite dépression du chance, printemps. Je prends pas de chance. Bon, voilà. Merci beaucoup, Jessie. Hey, come on, Jessie! Es-tu un fan des animaux domestiques, toi? Non, mais je suis un fan de lesbiennes, par exemple. C'était super intéressant. Mais est-ce que... On vient de le vivre, c'est quand même spécial. Ça venait me chercher. Je sais que les méduses aussi, souvent, il y a des espèces que comme c'est des copies depuis le début des temps. Fait que c'est comme le même être vivant qui était là, voilà, 250 millions d'années. Mais ça, il faut pas oublier qu'il y a quand même un très gros désavantage à ça. Parce que si tu fais pas des hybrides un petit peu à chaque fois, t'es en train de faire stagner ton espèce. Mais là, s'ils sont deux femelles qui mélangent leur gène, peut-être que là, ils tu fais pas... Ils mélangent pas leur gène. Ben, c'est ça. Si c'est ils un clone, il peut avoir un virus qui arrive à un moment donné, puis il y a personne qui va survivre. Mais parce que tout le monde est pareil. Honnêtement, la manière qu'il décrivait, pour avoir des cours de bio, j'étais comme, non, OK, je peux juste pas expliquer ça. Là, je suis moi-même perdue, mais c'est vraiment bien fait pour pas qu'il y ait de problème. Là. Ben oui. Et puis sinon, si tu me permets, je me Il y a rappelle... eu des updates. Oui, version 3.1, il y a des etc. Oui, il y a des mises à jour. Je sais que... je sais que maintenant, en fait, comme c'est plus facile de faire des études de génome, de cadavres et tout, il y en a plus qui se font et on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pensait. Mettons, un gars qui a chromosome XXY et des, mettons, triple X que dans le fond, ça donne un gars et, ou deux chromosomes X que c'est un gars finalement. Tout ça pour dire que c'est compliqué en hostie faire un être humain. Fait que toi, ta job, c'est de venir dedans. Pense plus à rien après ça. T'sais. Sacre enfant. Pis j'en faisais. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Hey, Nick, je pense qu'on est rendu tranquillement, pas vite, à Attends, la petite pause. C'est ça qu'il faut faire? Oui. OK. C'est quoi, vous connaissez tout ça, les gènes? On dirait que j'arrive sur une autre planète aussi. On parle de gènes. X, X, Y. Ben, c'est comme aussi les clowns de tantôt, c'était weird, là. Comment ils font des bébés, eux autres, là? On a vu qu'il y avait deux femelles clowns qui sont comme tombées en amour avec les deux losers dans le lac de balles, là. En tout cas, c'est assez weird. Nick, tu nous plugues une petite toune. On va faire une pause de 4, 5, 6 minutes. On revient à 70%. Merci beaucoup d'être là. Et mesdames, messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir Chinook, le danseur officiel du podcast 70%. Chinook est le seul danseur et le meilleur danseur de radio de tous les temps. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies, and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high. Little low, any way the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Now he's dead, Mama. life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late. My time has come. Sends shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, oh. I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. He's buried aside from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go, Miss Mala? No, we're gonna let you go. Let me go, Miss Mala. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Alors, on remercie William Shatner de cette fantastique chanson et on retourne à 70%. Avec Tommy Godet. Attends, oui. Ah. Donc, oui, on revient à 70%. Yann Thériault, ça se passe comment à date? Je capote. Arrête donc, toi. Je te jure. Mais de la bonne manière. En train, j'ai vraiment l'impression d'arriver là, dans une bande de troubadours. Là, putain, tout le monde a son personnage capote. Là. Ben, toi, tu vas être notre nouveau, d'abord. Guest appearing, ça va être parfait, ça. Ben, let's go, Nick. On peut continuer. Choisis ton prochain chroniqueur. America, fuck yeah! Toto. Wow. Est-ce que t'étais où? C'est vrai que t'étais en reconditionnement? Alors, d'abord, bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien? Ouais! Est-ce que vous êtes libre? Pas tant que ça, hein? Pas tant que ça, Benoît. Hey, dites-le plus fort pis mieux, bon. Est-ce que vous êtes libre? Mais... Non, mais... Mais c'est correct. Je suis serein maintenant, Bruno. Ah ouais, hein? Oui, parce que j'étais absent depuis les dernières semaines parce que j'étais... en fait, moi, il faut comprendre que je travaille pour un groupe select de gens. On s'appelle les Soldats de la Liberté. <C'est> ton... Et nos supérieurs de qui on répond, c'est le Redneck Council. Oui, oui, non, il y a des gens qui rient. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Alors, je suis donc allé me réenrôler chez le Redneck Council, comme il faut le faire en temps de doute. Sauter par-dessus Je pensais juste à chaque année, juste renouveler l'abonnement. Là. Non, non, non, c'est vraiment en temps de doute. Et comme vous le savez, hein, un peu avant que je disparaisse, ça allait pas très bien. J'avais de la misère à propager la cause. Hein. La cause devenait de plus en plus difficile à protéger à propager. Oui, oui. Et j'ai donc décidé de me réenrôler. J'ai été bien traité là-bas, Tommy. J'ai été bien reçu. Écoute, les sages de la liberté m'ont dit des choses qui m'ont aidé énormément. Je l'imagine tellement ton Redneck Council comme sage de la liberté. Là. Parce que vous savez... Excuse-moi, je continue mon texte. En fait, c'est ça. J'étais donc en retrait fermé auprès du Redneck Council, dans un endroit, bien sûr, que j'ai intérêt à garder secret, hein, on s'entend. C'est très important. Alors, comme vous le savez, je me bats pour la liberté, hein, la bonne, la vraie, celle qui nous est prêtée, donc, par l'Amérique, bien sûr. Et je le fais non pas de manière indépendante, mais bien en tant que soldat de la liberté, mandaté par le Redneck Council, afin d'assurer la bonne propagation de la liberté dans l'Amérique francophone, plus précisément dans la région du Grand Montréal. Non, mais chacun sa région, hein, chacun son mandat. Alors... Ça sonne tellement libre. Toi, fais ça, rien d'autre. Oui, patron. Non, mais écoute, la liberté works in mysterious ways. Je t'entendais me dire ça avant que tu sois en train de me le dire. Voilà. Alors, ça fait du bien, hein. J'ai suivi des cours de liberté. J'ai bu de la bière libre. J'ai assisté à des conférences. J'ai écouté de la lutte. Bref. J'ai pris du temps pour moi. Liberté, hein? 55. Ah, oh, liberté, le chiffre que tu veux. La liberté, autant que t'en veux, il y en a. Mais écoute, t'as l'air ravigoté tout plein, j'aime ça, bravo. Ben, c'est... écoute, ça m'a fait du bien, je me suis ressourcé, hein, j'ai pris du temps pour moi. Écouter du football, de la lutte, rien d'autre. Écouter du football, de la lutte, je me suis aussi délecté dans les sacrilèges grammaticaux de TVA Sport. Mais on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans, on a des spécialistes. Oui, on a invité émission. Un expert ce soir. Oui. D'ailleurs, il fait un travail énorme, Fred, pour la langue française. Ben oui, pour finir son dictionnaire brise-bois québécois. Il y a des gens qui disent que la nouvelle génération se fout du français, mais s'il y en a un qui protège la langue, si c'est bien Fred, alors il faut c'est à surveiller. On est avec toi, Fred, ça c'est sûr. Mais s'il y en a un qui protège la liberté de la langue, c'est bien brise-bois, par exemple. Oh, écoute! pas parce que tu l'as jamais entendu que ça se dit pas. Moi, il me semble que ça doit pas aller bien avec sa mère. Hein, parce que ma mère, quand j'étais petit, elle me disait « Ben non, ça se dit pas. » Tu sais, mais lui, on dirait qu'il a comme bypassé cette étape-là. On parle de Patrice Brisebois, hein, pour ceux qui n'ont jamais écouté TVA Sport. Qui viendrait de se joindre à nous. Oui. Voilà. Alors oui, j'ai donc pris du temps pour moi. Je me suis gâté. Hein, j'ai appris des nouvelles techniques de recrutement, parce que le recrutement en ces temps difficiles est difficile, hein, pour me répéter. Ben oui. Et donc, on a appris une technique très simple, en fait, qui fonctionne beaucoup dans le sud des États-Unis, mais qu'on essaie d'implanter ici, c'est que si ça te tente, mettons toi, Bruno, ça te tente de, tu sais, la cause t'intéresse, t'es curieux, ben là, tu viens, on jase, puis on écoute du football, puis on trippe, puis on jase, puis là... À un moment donné, je me souviens de mon texte. Mais non, à un moment donné, ça s'en vient, je te le dis. Mais c'est une nouvelle technique aussi, fait c'est normal. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle technique, il faut donc que je dise mes notes, mais c'est très simple. Je te propose d'adhérer à ma cause, Et si tu le fais, je te donne l'arme à feu de ton choix. Ah. America! C'est comme tu... Comme tu dirais, Tommy, c'est ce qu'on appelle recruter au shotgun. Oui, oui, ça, je dis ça, oui. C'est comme ça. Écoutez, ils m'ont tellement bien traité. Ils m'ont donné, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, ils m'ont donné un nouvel uniforme. Hein? Nouveau t-shirt, nouvelle casquette. Et... Gun ho! Lui, il est cool! Hey, man, tu ressembles exactement à Vla, en tout cas. Et bien sûr, la boucle de ceinture de chasse obligatoire. Ah, j'ai pas remarqué ça. C'est très important. Il y a des guns dessus. Ah, ça, c'est confortable quand tu Elle pars. Est très belle, très belle. Très le confort belle. A rien à voir là-dedans, Tommy. C'est la liberté qui est importante. Et j'ai eu des cours, et il y a un cours en particulier qui m'a marqué, et c'est le cours Identification de l'ennemi 104. Non, mais c'est important. Faut savoir contre qui on se bat. Et ça m'a ouvert les yeux, Tommy, parce que je me battais contre le mauvais ennemi. Et là, il était temps que les sages libres me remettent sur le droit chemin. Alors, bien qu'effectivement les races de sable soient une menace. Tout le monde se souvient de ces races? Oui, hein? oui. Les races de neige, les races de jungle, les races de bois, les races de montagne, les races de sable, puis les Chinois. Tout le monde s'en souvient? Ça a l'air d'être comme les différentes sortes de géants dans Donjons et Dragons, jusqu'à chinois, genre. Voilà. Alors, donc, bien qu'il soit évidemment à l'échelle mondiale et à long terme l'ennemi, à court terme, pour des gens comme moi qui œuvrons au niveau local, hein, on le répète, dans la région du Grand Montréal, hein, le vrai ennemi... Et là, Bruno, tu me vois venir. C'est évidemment la gauche de droite bien pensante. Oui, oui, ces gens-là, hein, on s'en souvient. Là, mon Bruno. Oui, mais Bruno, il les connaît parce que, bon, on va arrêter de se mentir. Hein? Non, ben, bon, comme si on avait commencé tantôt. Alors, la gauche de droite bien pensante, bien sûr, vous les connaissez. Hein? Ces rapaces adeptes de la victimisation... à tout rompre et de l'hypocrisie mal camouflée, hein, ces riches qui aident les pauvres à coût de 20$ par année et de 6,5$ sur le plateau. Hein. Ces gens qui font tout en leur pouvoir pour que l'on sache pendant les séries éliminatoires qu'ils détestent le hockey. Hein. De peur, bien sûr, que leurs amis élites les voient se frotter au petit peuple, ne serait-ce que le temps d'un moment agréable entre amis à admirer les prouesses athlétiques d'une équipe sportive et rire des sacrilèges grammaticaux d'une autre équipe un petit peu moins sportive. Si j'avais... Oh, ouais, mais si j'... Non, non, Damien, si ce gag-là, je l'avais pas brûlé au début, il aurait été carré. Fait qu'arrête. Tu te sens chose pas. À l'interne, en esti. Alors, t'en donc, as-tu rendu compte en le lisant que tu l'avais déjà fait? Ben, c'est un peu ça qui est arrivé, ouais, Bruno. Non, non, mais c'est pas grave, je suis un gars de... Laissez ses gags libres! Ah ouais, je suis un gars de live. C'est ça qui arrive quand on se relit pas, hein? Ben, c'est ça qui arrive quand on se relit pas, Bruno. Mais j'avoue qu'une semaine, c'est pas long. C'est pas à toi que j'apprends qu'est-ce qui arrive. Non, clairement pas. Voilà. Alors, donc, j'ai retiré énormément de positifs de cette retraite. Et je me sens revigoré, prêt à me battre. D'abord, je sais contre qui je me bats déjà, alors c'est très important. Et je suis donc prêt à revenir au combat sur une base quotidienne pour, non, pas vrai, hebdomadaire. C'est toi qui m'as fourré tantôt. Ben, à chaque semaine. À chaque semaine. OK, là, c'est ça. Ouais, ben, on va voir si tu fais le cut, là, on va en parler à l'intérieur. Je peux revenir le mardi, mais ça risque d'être plus Il va slow, avoir là, moins de monde, là, ouais. Ça arrive. Alors, sur ça, je vous laisse avec un vecteur de liberté, hein, comme j'aime le faire à chaque semaine. Et cette semaine, il y en a un gros vecteur de liberté. Le baseball est recommencé, Bruno. Yes! Ah, ça, j'aime ça, par exemple. Non, non, le baseball. Hey! Oh, oui. Non, on applaudit le baseball. Non, non, non, non. 32 équipes, 162 games. On s'en reparlera au mois d'octobre cette année. Hein? C'est... Pas de plafond salarial. Pas de plafond salarial. Alors, au plus fort la poche, Go comme Yankees. On dit. Exactement. Et ben sur ce, c'est ça, j'ai fini, je t'en ai. Ah, va t'asseoir, va t'asseoir. Merci, Toto. Moi, ce que j'aime le plus du baseball, c'est que je peux regarder la game, faire mon lavage, regarder la game, me faire à manger. La laisser traîner. Non, mais c'est effectivement c'est le meilleur sport de ménage oui, au monde. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ce qui est fabuleux, parce que moi, je le sous-titre, ça, c'est l'espèce de saine compétition entre les deux animateurs qui se rappellent les choses les plus obscures que tout le monde se crée. Tu te souviendras en 2002, ça fait déjà 13 ans. Ben oui. Tu te souviendras, le même lanceur avait lancé contre le même frappeur, mais à l'époque, il avait une position beaucoup plus ouverte. Là, tu sais, t'as le flash, là, tu le revis, ce moment-là, tu sais. Hey, ces gars-là sont mieux de pas oublier, c'est qu'à la fête de leur femme, c'est sûr et certain. Merci bien gros, Toto. Oh, ouais. Hey, Nick, prochain! Tommy, je suis content d'effectuer une autre sortie ce soir afin de sortir fort encore une fois et de jouer avec l'énergie du désespoir. Il faut que nos meilleurs soient nos meilleurs. Donc oui, hein? Et oui, j'ai continué à plonger, Tommy, dans l'expérience TVA Sport durant les séries éliminatoires. Séries éliminatoires! J'aime ça aussi que tu amènes ça avec un vernis crédibilité, comme on a parlé avec Bruno. Ben oui, effectivement. Comme je l'avais mentionné aussi la semaine dernière, veston-cravate, ce qui m'apporte systématiquement crédibilité et voilà. Confiance et qui justifie à mon ton salaire de 1500$ de l'heure pour venir parler de vacuité. Effectivement, on est 26 sur le payroll. Et voilà. Et oui, à écouter TVA Sport, hein, il en résulte inévitablement une aliénation mentale, hein, autant sur le plan cognitif que celui de la langue française. On en a parlé. Juste là, tu débordes le mandat en Grèce. Là. Alors, j'ai souffert pour vous hein, dans la dernière semaine. Et donc, voici donc mes meilleures trouvailles des analyses d'experts. Donc, voici. Le scénario était parfait. La foule qui était déchaînée. Ginette qui chante. C'est ça, c'était Michel Bergeron. Oui, oui, oui. Alias Bergy, oui, oui. Le jeune entraîneur n'avait d'autre choix que de répondre à la réponse ou à la question de son directeur général, Brian Murray. Michel Bergeron, encore une fois. Ouais. Hey, c'est vraiment une phrase qui est prise dans une pièce pas de porte. Ça, c'est... À ce moment-là, les arbitres dans leur canne bleue et ceux qui sont à l'écoute, hein, le hockey est un jeu viril. Michel Bergeron, encore une fois. Attends! Quoi? C'est cela. Répète-la, celle-là. Leur carnet bleu, oui. Regardez ici les éléments qui s'en vont au banc. C'était une analyse de Patrick Lalime. Les... J'ai tellement vu genre carbone pis zinc. Okay. Moi, j'ai vu le tableau périodique. Moi, j'ai vu des éléments de poêle. Ah, aussi, hein? Ouais. Ah, chacun son interprétation. Les mystères du hockey. On sait qu'en série éliminatoire, tout est une question de momentum. Renaud Lavoie, hein, en arrière du banc. Ça vaut cher, ça. Ça, une phrase de même, là. Et Félix Séguin de s'exprimer, tu nous répètes depuis la mi-deuxième période, depuis la mi-première période, que le prochain but sera important. Alors, le voilà, ce but. Et... Ça a l'air biblique, genre en cette nuit sombre, il leur fut donné. Et il vit que c'était bon. Et lors du match numéro 5, hein, ça n'arrêtait pas, hein, une rafale d'autres plein de phrases. Et donc voici une analyse de Patrice Brisebois. Il en a fait pas plus, il en a fait pas moins, mais il est efficace. Voilà. Et Patrice de s'exprimer pas trop longtemps après. Là, c'est le temps de vraiment... de sortir fort. Ça, c'est récurrent, hein, au hockey. Et Renaud Lavoie, qui est allé d'une sortie en disant « Toujours là, en train de l'espionner en avantage numérique. » Donc, il récoltait des informations aux joueurs de l'autre équipe, je crois. Donc, il était déguisé, genre, en joueur des Sénateurs. Ouais, donc il y a 5 arbitres sur la glace. Oh. Bergy, hein, aussi d'y aller avec une phrase suivante. On s'attend à ce que les Prost, là, ont dit « Wow! » Ouais. Les Hey, lui, il mérite beaucoup. En tout cas, lui et Molière vont se parler au paradis à un moment donné, c'est sûr. À la fameuse émission Dave Morissette en direct. Hein, Dave Morissette, hein, c'est lui qui Il a dit, dis-moi, je parle au gardien de but, là, pas à l'analyste. Donc, voilà. Ouais. Être sûr de parler à la bonne personne. Fait que là, il y a eu l'animation de métamorphose, là. Là, il a enlevé son Ça ne prend que 7 centièmes de seconde pour que le costume de Jean-Sébastien Giguère soit téléporté de son vaisseau spatial. Et celle-là, je pense que vous allez l'aimer. Hein. On commence à douter, et quand tu doutes, la rondelle devient presque une patate chaude. C'était Michel Bergeron, hein, vous l'avez. Mais ça, c'est une métaphore, ça. Oui. La rondelle, c'est notre plaisir. C'est moi, je pense pas, Tommy, je vais te l'expliquer pourquoi tantôt. OK. C'est deux dardages, Michel Bergeron. Ah, mais ça, moi, je suis certain, c'est son infarctus qui parlait là-dessus. Là. Ça, c'est l'animateur qui a pas dit, moi, j'aimerais parler à l'ancien entraîneur, pas à l'infarctus. Là, c'est l'infarctus qui a parlé. C'était peut-être multiplicatif aussi, c'est ouais, pas clair. Peut-être. Soi, hein? Et donc, dernier match, hein, pour espérer remporter la série, les meilleurs joueurs du Canadien devront être les meilleurs. Et voilà. Ouais, voilà. Et voilà. Ah. Renaud Lavoie. Et voilà. Mais ça veut juste dire la discipline. Let's go. Regardez Piqué Subban qui travaille ses agilités avec la rondelle. Il travaille ses agilités. Renaud Lavoie. Et oui, Félix Séguin, hein, descripteur du match, qui s'est exprimé. Oh, la réaction de Brendan Gallagher veut dire bien des choses. Oh. C'était lors du seul but compté par le Canadien hier soir, on l'a deviné. Oui. Hey Bob, I love you Bob, c'est beau mon Bob, j'espère dans ton beau divan bleu marin que tu t'oublieras jamais. C'était Michel Bergeron. Les séries éliminatoires, c'est comme les rapports d'impôts et les cadeaux de Noël. On attend toujours à dernière minute. C'était aussi Michel Bergeron. Ça, c'est con. Là. Oui. Comme les cadeaux de Noël. Patrick Lalime, hein, analyste, hein, qui y va de la phrase suivante. Plus le moment est grand, plus les grands se lèvent. Ah, ça, c'est beau, par exemple. Oui. William Wallace, mais liberté. Ça, c'est de la poétrie, ça. De la poétrie, effectivement. C'est la preuve que c'est pas parce que t'as jamais lu un livre que tu peux pas faire de la poésie. Effectivement. Et on a aussi appris hier soir que l'adversaire, c'était le doute. Tu te bats contre le doute. C'était Enrico Ciccone qui nous l'a dit. Oui. Et bon, David Desharnais, hein, sans même avoir communiqué avec Enrico Ciccone après le match, s'est exprimé ainsi en entrevue après la rencontre. C'est sûr que tout le monde à l'extérieur vont douter. Donc oui, c'est David Desharnais qui l'a dit. Et bon, j'enchaîne, hein, tu réalises ce qui fait face, ce que t'as à faire face devant toi. Enrico Ciccone. Encore une fois. Ça, c'est une autre manière de parler du doute, là. Sûrement, hein, ou de qu'est-ce que t'as en face de toi devant toi. Ouais. Il paraît Enrico Ciccone, qu'on voit tout le temps notre nez, mais que notre cerveau l'oublie parce qu'on serait tanné de le voir. Enrico Ciccone s'est tanné, hein, en fin d'émission d'après-match hier. C'est tanné! Oui, il l'a dit, hein, c'est plate, hein, au risque de nous répéter tout le temps... Mais faut marquer des buts. Là, il s'est levé, il a droppé son mic, puis il est parti. Ouais. Man. Et bon, j'en donne d'autres comme ça, bonus, hein, que j'ai capté lors d'autres matchs. Donc, à chaque fois, hein, qu'il s'est impliqué offensivement, il est arrivé des choses à l'attaque. Donc, ouais. Et bon, en fin de match, hein, on s'est exclamé les secondes qui s'écoulent rapidement présentement. Oui. Plus qu'à l'habitude. C'était. Et bon, ils ont joué avec l'énergie du désespoir, hein, éternel classique. Donc, mais bon, je vous ai aussi gardé la meilleure, hein, pour la fin, hein, parce que hein, vous avez peut-être vu un vidéo de Patrice Brisebois circuler sur les internets aujourd'hui. J'avais manqué celle-là hier en direct, hein, ça devait être lors du deuxième entraque. J'étais parti me chercher à manger. Tu l'as bon, retranscrit? Oui, il y a quelqu'un comme moi, heureusement, qui était aux aguets pour capter ce moment de magie. Et attachez votre truc, hein. Patrice Brisebois. Mais ceci dit, là, il faut absolument, là, le Canadien, là, il faut, quand qu'on est battu, quand qu'on s'est fait battre, là, ça prend, là, pourquoi qu'on s'est fait battre? Parce qu'on n'a pas assez travaillé fort. On n'était pas les premiers sur la rondelle. Alors, il faut s'asseoir, là, dire, il faut, qu'est-ce qu'on n'a pas fait lors du dernier match? Eh bien, il faut le faire ce soir. C'est aussi simple que ça. ovation debout, man. Merci, ouais. Patrice. Et, bon. Merci, mais bon. En terminant ici, hein, il va falloir s'habituer. Hein, c'est maintenant le segment où j'ai avec moi un article qui est primordial à la pratique du hockey afin d'illustrer un propos mentionné antérieurement. Métaphore. Alors, j'ai ici avec moi une rondelle. Donc, oui, vous me direz que c'est comme la semaine dernière. Alors, la rondelle, c'est simple. Hein, lorsqu'on se met à douter, hein, peut se transformer en patate chaude. Alors, faut faire attention. Donc, alors c'est malgré la victoire hein, d'hier, le CH devra faire attention pour ne pas que la rondelle devienne une patate chaude lors de la prochaine série. Alors, ce sera donc la clé du succès pour la Trifanelle pour la suite des choses en Et série. De toute beauté. Donc, voilà. De toute beauté. Merci beaucoup, Fred. Fred Fournier, mesdames, messieurs. Ça, appréciable. Surtout qu'une patate chaude, quand tu snaps ça... Ça part partout, là. Ça revole partout. Fred, as-tu fait exprès de trouver une patate qui est à peu près de la même grosseur que ta rondelle? Je te vois tellement fouillé dans le sac, là. C'est de toute beauté. T'es perfectionniste. Et là-dessus, j'aimerais vous sortir le jeu de mots que j'ai inventé, qui est le jeu de mots de la vie. Des carrés aux Price Krispies. Yes! C'est comme Carey Price, hein? J'en avais qu'à une aussi lors du match, j'ai oublié de la mentionner, mais Bergie est allé avec la suivante. Michel Therrien l'a mentionné lors de la conférence de Price. De Price. Ouais. Wow. De toute beauté, ça apprécie. Tu vacuité, le cirque est en ville. Man, tu me fais presque aimer le hockey. Ben oui, c'est juste parce que tu le trouves cute. Hey, là-dessus, pars la prochaine, Nick! Nuance. Wow! Sans romance. Ah, une tonne de nuances. Amour sans romance qui veut dire du sexe sans l'amour. Ouais, c'est ben, ça, à quatre pattes. Ah, c'est-tu, toi, Chinook, je te reconnais. Va chier, Chris. Éric Carmen is in the house, mesdames, messieurs. Je t'aime, Chinook. Non, ouais. c'est des farces. Comment ça va, gang de tout croche? Ouais! Ça va pas vite, ce monde-là. Non, mais écoute, il t'écoute, là. Salut, capitaine! Salut, chose! Salut, chef! Hey! Salut, champion! Salut! Comment ça va? Ça va très bien! Ben, ça va super bien, moi aussi, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, Chris, dernièrement, j'ai lâché ma Gerda, Nadia, là. Mon cher gibier de potence d'amour. Hey, tout croche, ta fille-là, allons donc, c'ti. Ouais. Elle a perdu sa mère jeune aussi. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux, hein? On n'embarquera pas dans ces détails-là, grand. Sombre histoire de couteau, ouais. Mais là, si, tu sais, c'était même pas ma vraie blonde, si j'avais une aventure avec. Elle a encore son chum, là. Non, ils sont plus ensemble, là. Ils sont pas ensemble? Non, non, on a vu son profil sur Lava Life. Ah, ben, tabarnak. Je te jure. Ah, ben, Chris. Ouais, Lava Life, c'est 2009 en esti. Mon classeur. Ouais. Ben, en tout cas. Fait que là, c'est ça, la dernière fois que je l'ai vu, esti, elle m'a fait un blowjob. Je suis venu, puis j'ai dit, t'embrasseras ton chum de ma part, la grande. Ça, c'est romantique. En tabarnak, je suis parti sans rien, tu sais. Si tu veux. Fait que, c'est ça, là, moi, dernièrement, ben, ça fait quand même un bout, là, que je l'ai lâché, Nadia, mais là, depuis un bout, esti, ça va mal en tabarnak, le grand. Toutes les fois que je rencontre des filles, esti, je les amène au restaurant, pis tout, pis là, je lui dis, hey, t'entends-tu de venir chez nous, la grande? Pis là, elle me dit, je vais le dire comme je l'ai dit, ça tente-tu de te faire fourrer, la grande? Pis là, elle me dit tout le temps, esti, ben, excuse parce que je suis aux femmes. Hey, des hosties de lesbiennes, tabarnak! Y en a-tu un hostie de Chris de trollé, là? Je suis tanné, hostie! Pas rien que ça à faire, moi, tabarnak! Payer des hosties de souper pour avoir rien en retour! Voyons non, tabarnak! Allez, on a plus de besoin de vous pour se reproduire! Plus de classe, hostie, ces femmes-là! Quand tu mets ça au clair avant, là! À mort la ringuette! Oui, fais ton langage, Eric! Ben, Chris, hostie, faut leur parler comme ils veulent se faire parler, tabarnak! C'est pas faux! On dit les vraies affaires, hostie! T'as envie de te faire fourrer! Pis c'est une lesbienne, ben là, colle-moi patience. Dis-moi là en avance, tabarnak, je paierai pas un repas pour rien, Chris. Allons donc. Fait que... soyez serviable, bâtin, ça se dit. Pas rien que ça à faire, là. Ok, je te le dis, je suis pas lesbienne. Moi, ça me dérange pas, moi, tant que tu put out, comme on dit, hein. Tu peux l'oublier, une co- moi, je peux faire toi, oublier toi, tu serais du genre à dire on n'est pas obligé d'aller au restaurant, genre. Bon, ouais, Chris, ben, ça serait bien plus simple. En tout cas. Fait que là, je vous ai préparé un top 3 ici de mon cru, hein. Ça sera pas le celui de la semaine passée, mais ça va tourner autour à peu près des mêmes affaires. Ah, on va parler des Japonais, hein, la gang de fuckés, les Chinois les plus fuckés, là. Les Japonais, est-ce qu'ils ont des coutumes bizarres, le grain, eux autres? T'es en train de dire que les Chinois du Japon, c'est les plus fuckés. C'est les pays, Chris. Ils sont flyés, ce monde-là, Chris, ah, le oui, grain. C'est bon, c'est bon. Ah, t'es cool. C'est les choix du président, c'est la version choix du président. Exactement, le grain, c'est de quoi tu parles. Fait que, number three, le Genki Porn. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi le Genki Porn? Avec des tentacules? Le Genki Porn. Presque, le grain. Le Genki Porn, ça se traduit en seafood porn ou du porn de fruits de mer. Ça doit pas changer beaucoup le goût. Puis, comme on sait, les Japonais, dans le hentai animé, ils aiment bien gros les tentacules, hein, les viols avec des tentacules pis tout. Mais... les Japonais, ça fait longtemps, nasty comme ça, fourrer des fruits de mer. Ça date de des millénaires, le grain. Chris, c'est vrai, là. C'est même pas des c'est farces. C'est ma phrase préférée de la soirée. Puis là, il y a une couple d'années, esti, il y a un réalisateur de porn du quartier Kabukicho, esti, qui est comme le quartier de la débauche, hein. Tu sais, il y a de la prostitution et toutes sortes d'affaires. Quelqu'un qui est au courant. Ouais, c'est si, hey, le Oshinaga de Tokyo. Là. On va se parler tantôt, toi. Fait que le Genki Porn, c'est que il y a des femmes, ben c'est essentiellement des femmes qui sont dans ces vidéos-là, ils se mettent des anguilles dans le trou de cul. Puis après ça, ils les archient. Entre autres. Ou ils se mettent des pieuvres un peu partout sur le corps à grandeur, poissons, toutes sortes d'affaires, les orifices. T'es en train de nous dire que ce qu'on a imaginé tantôt quand t'as parlé de porn de fruits de mer... on c'est avait exactement raison. Ça c'est qu'ils ça. Font. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. Parce que, veux pas, il y a des trous, puis il y a des affaires faites sur le long. Ça sent le poisson, fait que ça sent le poisson. Et voilà, et voilà. Fait que, on va y aller tout de suite avec le numéro 2. Number 2! Les petites culottes à vendre, puis de la salive, puis du sang de menstruation. Si vous vous promenez dans les rues de Hong Kong au Japon, vous risquez d'arriver... à des espèces de distributrices où ce qu'ils vous vendent, c'est de la salive de petite fille ici qui est prépubère avec une photo à côté puis son nom. Ou vous pouvez acheter ces petits. Qui est absolument pas un nom d'emprunt, jamais. Jamais. Tout le monde s'appelle Cynthia, tu sais. Ben là, dans ben le, oui, là-bas, ben ils s'appellent... Oui. S'en servent pourquoi la salive de petite fille? Du lubrifiant? D'après toi, ils s'en mettent sur le bat, ici, puis ils se crossent. C'est sûrement ça. Moi, c'est ce que je ferais. Tu peux en mettre dans ta soupe si elle est trop pâteuse. Là, genre. Ouais, tu peux t'en mettre dans la gueule si tu veux, Chris. Calvaire. Fait que dans tu peux t'en servir comme lubrifiant pour ton seafood porn. Aussi. Chris, lui, aussi, c'est de quoi qu'il parle, le grain. Oui, ben il a écouté le numéro 3. Il se fait applaudir. Je fais des liens. La dernière chose à la mode qui est sortie là-bas, c'est le sang de menstruation de petite fille qui commence à avoir une menstruation avec des photos. Et qu'est-ce que tu penses que tu fais avec ça? Tu te le verses sur le bat ou tu y goûtes. Ou les deux. Ou tu les fais deux. Du thé pour un vampire. Oui, du thé de vampire, c'est de grand. Calvaire, man. Esti, hein? En tout cas, ces Chinois-là sont flyés en tabarnak, hein? Esti. Fait que, hey, je suis pas godette, là. Pas de flyer ici, esti. Fuck it. Number one! Le caca burger. Ouais, oui, j'ai c'est bien. C'est-tu exactement ce qu'on pense? Presque. C'est vrai que tu peux t'en aller. Le shit burger du Dr. Ikeda. Okay. C'est un steak à base de protéines d'excréments humains. Apparemment, le grain, c'est riche en protéines aussi, car il y a beaucoup de bactéries dedans qui sont recyclables, qui sont pas mauvaises pour nous autres. Ça serait une solution pour le recyclage de la boue humaine. C'est une façon polie de dire les égouts, hein? Ouais, la marde en quantité d'une société. Fait que ils ramassent ça, ils ajoutent du colorant rouge puis du soja. Puis ça a l'air là, que ça goûterait le bœuf. Ça vous tente-tu de l'essayer? Non, c'est pas vrai. Si tu savais qu'est-ce qu'on voit au microscope quand on met du caca sur une lame, tu voudrais pas en manger. Ben, ça a l'air que c'est bon, là, puis... En tout cas, je suis pas sûr, là, mais en tout cas... Si le gars en sarreau blanc dit que c'est bon, mets ça dans ta bouche, puis c'est ça, je me dis, moi, lui, il sait de quoi qu'il parle. Il y a 63% de protéines là-dedans, 25% de glucides, 9% de matière minérale, pas fécale, 3% de lipides, ça serait moins gras que toutes les viandes, puis ça serait... Là, tu vois, là, on vient peut-être d'en vendre. Ouais, c'est ça, c'est winner demain. Sauf que là, je viens de vous perdre en esti, ça serait une dizaine, voire une centaine de fois plus cher que de la viande normale. À fait date. Ah ben là, je vais en acheter. Les coprophages fécaphiliaques, eux autres, ils doivent triper sur un crise de tang. Je pensais que c'était une légende, moi, cette histoire de caca burger du Japon que j'avais lu jadis. Puis il y a vraiment un gars en sarreau qui est payé. Docteur Ikeda. Ouais, il est payé pour faire des découvertes. Puis lui, il pogne des étrons, puis il transforme ça en galettes blanc pâle qui deviennent de la nourriture. C'est comme du cheese whiz, c'est fake, là. C'est processed. Et voilà. Manipulé mécaniquement. Veux-tu y goûter? Ah, peut-être si j'y vais un jour, j'essaierai un peu. En tout cas, on va finir ça avec une mention spéciale. Si les Coréens, les autres fuckies chinois, là, les autres ils font un vin au caca. Oui. Ça a l'air que ça goûte la marde en esti. Et voilà, je pense que tout est dit. Fait que, salut la gang de tout croche. Je reviens pas la semaine prochaine. Fuck off. Merci, Eric Carmen. Eric Carmen! C'est plus que ça, tabarnak! Goûterais-tu à ça, toi? Oh my God, épouse-moi! Une source de protéines nouvelle, là? Oui. Moi, je pense que éventuellement, on va être obligé anyway. Fait que tant qu'à faire. Ouais, ben, moi, je pense qu'on va passer par les insectes avant. Ouais. Je pense qu'on va faire manger notre marde par des vers de terre, puis on va faire des galettes de vers de terre, puis là, ça revient un peu au même. Ça revient totalement au même, on s'entend. Ouais, j'avais oublié de dire, son spécial en esti, il se crisse de la bouffe dans le cul, puis il mange de la marde. C'est le monde à l'envers, la Chine. Ça peut bien être en dessous, c'est le monde à l'envers. Allez, voilà. La Chine du Japon. La Chine du Japon à l'envers. Moi, je suis content que le nouveau catchphrase de Eric Carmen ce soit allons donc. Allons donc, oui, ça nous une pas. Allons donc. Je pense que ça va bien. Hashtag allons donc. Là-dessus, Yann, on arrive à la fin de notre émission. Il nous reste juste un dernier chroniqueur. Cette semaine, il m'a demandé qu'on prie pour lui. Donc, on va pas l'applaudir quand il va monter sur le stage. Ce qu'on va faire, c'est se recueillir les yeux fermés et faire un petit bien senti. Là-dessus, s'il vous plaît, Nick, Mathieu Boudreau. Oui. Dubstep Boudreau. Ouais, c'est ça. Non, ben, à force, cette chanson-là qu'on vient d'entendre, moi, j'entends ça depuis que je suis enfant. C'est la première chanson que j'ai entendue dans ma vie. Des fois, je l'entends, elle joue même pas. C'est ça. Je vois, il y a des gens qui l'arrivent, vous êtes nouveaux. Garde, avant de commencer, bonjour tout le monde. Salut Mathieu. Salut. J'aimerais ça faire comme donner un petit point. Le député de Dubuc, Serge Simard, Claude Legault, hein? Claude Legault, il dit « Je ne pensais pas que recevoir autant d'amour en période d'austérité et de coupure sauvage, c'est trop. Recevoir une bouffée d'amour comme ça, c'est assez extraordinaire. » Cry me a river. Claude, il a dit ça hier. Et là, très, très certainement ému là, par le message de M. Legault, Serge Simard, libéral convaincu, là, à la limite de la lobotomie, il faut le dire, et il réplique sur Facebook... Dieu soit loué. Monsieur Legault a passé à côté de ce principe de respect, car il y a des gens qui l'aiment. et qui ne sont pas nécessairement de ses idées politiques. Monsieur Legault, vous avez manqué d'amour envers votre public dans une soirée remplie d'amour envers vous ce soir. Serge, je vais parler à Serge. Serge, dans la vie, il y a des moments pour tout. Et hier, c'était le moment pour Claude Legault de remercier ses fans. Et toi, bah, c'était le moment où tu disais une calisse de conneries. Serge, faut que t'arrêtes d'être naïf. Tout le monde le sait qu'avec un CV comme le tien, on s'attire des dettes pour service rendu. 1-0. Non, mais c'est vrai, il était ministre délégué aux ressources naturelles sous Charest. Hein? Et, ouais... On sait ce que ça veut dire. Ouais, surtout ministre délégué. Hein? Il déléguait, lui. Ouais. Et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Non, mais pensez-y, OK? Je vais tout récupérer vos pensées. Puis je vais les mettre en moi. Non, mais... Tu sais, hein? Le sens du mot démocratie. Le sens du mot liberté. Et hier soir, le mot amour. Je vais juste prendre 2 petites secondes. C'est drôle, moi, Claude Legault, tu sais, j'ai... Non, je ne l'ai pas entendu récupérer une phrase. Hein. Voilà, bon, jouons le jeu. Monsieur Simard, suite à cette déclaration, laissez-moi prendre le temps de vous dire merci. Sachez que votre dévotion au sein de ce grand parti qui est le Parti libéral du Québec... et plus qu'apprécié. Et, comme tous les Québécois et Québécoises, je vous souhaite longue vie. Sinon, dans la même veine, cette semaine, mon fils a recommencé à jouer à la politique. Ben, Bayon oblige, hein? Non, ça arrête jamais, ça arrête jamais. Écoute, moi, j'ai passé la semaine debout, je pouvais plus m'asseoir, trop mal au cul. Tu t'es fait fédéraliser. À fond. La loi 28, ça, c'est en gros, c'est 337 articles en soutien à la pauvreté. Et c'est le deuxième bâillon sous Couillard. Ne capotons pas, hein? Entre 1996 et 2001, sous le gouvernement Bouchard, on en a eu 53, hein? Là, il fait pas comme si t'étais surpris. C'est quoi la devise du Québec? Je m'en rappelle plus. Mais mon fils, il a le droit à lui, parce qu'il y a 8 ans, et dans ce temps-là, il n'existait pas. Hein? Et là, il me dit, papa, pourquoi le gouvernement force le monde à adopter une loi avec des bâillons? Et ça, tu sais, c'était un mercredi en matinée, 14h20. Et là, il me dit ça, il dit « Papa, on dirait que c'est pas démocratique. » Hey, j'ai pouffé de rire, mon... Je me suis étouffé avec mon café. L'ai regardé, j'ai dit « Est-ce que t'es naïf? » Il va falloir te faire réviser une couple de définitions. Mais ça, c'est dommage, tu sais. C'est vraiment dommage d'être obligé d'en arriver là, parce que comment un enfant fait pour savoir si personne lui a dit que la démocratie est morte à la seconde où le concept est né, tu sais? C'est pas faux. Applaudis ta souffrance, hein? Elle t'appartient. Yeah! Ça, c'est ma catchy phrase. Non, je sais. C'est ton allons-donc. Voilà. Fait que, ignorant de son propre sort, ben, il joue à la politique. Là, il fait 2 petites lignes de toutou, une en avant de l'autre, dans le sous-sol, comme à la Chambre des communes. Il prend des petits foulards, des petits bâtons, puis il met des petits baillons à chacun des députés de l'opposition. C'est creep. Voilà. Mais il met des petits baillons pas trop serrés non plus, là, tu sais. Juste assez pour qu'on entende la voix, mais qu'on s'en calisse. C'est différent un peu. Ouais. Et là, bon, il passe le reste de l'après-midi à passer des lois imbéciles. Et puis, ça fait une couple de fois que je le vois faire ça, fait que j'y demande, ben, pourquoi tu joues tout le temps à ça si tu trouves ça antidémocratique? Et il me dit, le pouvoir. Avec ses petits yeux verts, tu sais. Hey, là, t'étais fier, hein? Mais, calice, oui. Là, il s'est fait une cape, il avait son saut de robot, il ressemblait à Dr. Doom, esti. Je capotais, tu sais. Ouais. Et là, il se met à me dire hein, qu'avant de passer une loi sous baillon comme ça, là, faut quand même, il y a quand même des étapes, tu sais. Non, c'est vrai, passe pas ça comme ça, là, tu sais. Hein? Faut un niveau. Et là, il me dit, en premier, il faut que tu choisisses les plus naïfs de la gang, hein. Puis là, il dit, tu sais, gâte, all the way, petits fruits, champignons, peau de miel, fourmis, tu sais. Faut dire que tous ces toutous, c'est des oursons. C'est important. Et quand t'as bien gâté tes calinours, tu sais, là, tu leur demandes un service. Pas grand-chose, là. Tu parleras de ça à un tel. Tu sais? Puis t'attends. Et si tout se passe comme prévu, phase 3. Phase 3 qu'on appelle le premier engagement. Hein? Et ça, ça vient de toi. Et c'est ça le truc. C'est que c'est toi qui cale la shot. T'sais. Tu y donnes un cue. Hey, j'ai entendu parler d'un tel. Tu sais, c'est. Et il est à noter aussi que la phase 3 doit impérativement se terminer par une invitation. Hein? Oh, tu viendras la semaine prochaine. On va au chalet un tel. M'a te présenté. Tu sais? Et à partir de là, bien sûr, même moi, je peux pas te dire ce qui se passe dans ces fins de semaine-là, mais il s'en passe assez dans la phase 4 pour que le lundi, à la Chambre des communes, tout le monde soit en crise de la définition de démocratie. C'est là que tout devient de la crème Bodwig. Ouais, voilà. Des hosties de clowns. Bon. Où c'est que je suis rendu? C'est ça. Bon, mensonge, image sociale, même combat, va chier. Et pendant que mon fils parlait, OK, il y a quelque chose qui clochait. Je sais pas trop c'était quoi. Petit bruit dans la prise de courant. Mon Xbox qui se met à clignoter tout seul. Je sais pas. Mais il continuait. Hein? Il continuait. Puis honnêtement, même si c'est un flow de 8 ans... sa prestance, son assurance dans le discours, je me disais, Chris, je voterais pour lui. Tu sais? Ben, faut dire, j'ai voté pendant la vague orange, là. Oh. Ben oui, c'est comme ça. Ça a mal fini. Et là, il me dit, il me dit ce qui est intéressant avec la phase 4, que l'on nomme dans le milieu l'initiation. On doit venir. C'est que c'est là que tu peux vraiment démêler les vrais chums hein, qui sont là pour la bonne cause. Hein, de ceux qui pensent qu'on est là pour changer le monde. Hein. Une chose est sûre, en tant que premier ministre, mon rôle est d'obéir aux demandes de la population tout en assurant un lien direct avec nos partenaires économiques et sociaux afin de bâtir ensemble l'avenir du futur des Québécois. Et là, il me regarde et il me dit « C'est certainement pas en diminuant nos gaz à effet de serre qu'on va faire du cash. » Imagine la scène. Je suis dans ma cuisine en train de me faire des toasts et il me déballe son sac. Et à un moment donné, j'allume, tu sais, j'ai des responsabilités là, envers cet enfant-là. Moi, là, il est beau être premier ministre de son monde, moi, j'ai le mien, tu sais. Et il en fait partie. Tommy, il m'avait sorti une quarantaine de shots de son sac. Oui, c'est des longues phrases là, qui viennent te sortir. Hein? Hein, tu t'en doutes? Quand le chat sort du sac, les souris dansent? Ça se dit. J'ai tout arrêté. J'ai mis mon fils sur pause. Non, mais il était parti. S'il était parti. Tu mets ça sur pause, 3-4 morceaux de linge, direction le char. Bon, j'ai pas de char, mais à cette heure, mon voisin non plus. Hein? C'est comme ça. Parfois, le gazon dans la cour de ton voisin, tu en as besoin. Bon. Et là, on a fait 1312 km dans le nord du Québec. Et rendu là, j'ai brûlé le char. Et j'ai fait 25 km dans le bois. Ça voilà. Restille. Skidou, quatre roues, à pied, canot. Voilà. Ça allait vers le sud. C'est parce que là-bas, j'ai eu une cabane. Voilà. C'est important de le dire. Ah, je sais. Mm-hmm. Et là, hein, je pogne mon fils, je l'assis sur une chaise, j'y enlève le tape gris d'être dans la face puis les pailles pour respirer, puis je le regarde. Et là, je dis, avais-tu perdu la tête? T'es en train de me révéler tes secrets gouvernementaux? Un peu plus, t'embarquais dans le secret défense? Hein? Ah ouais? Dis-moi à quoi ils servent, tes G.I. Joe anti-émeute? Ah ouais? Un coup parti, donne-moi la véritable identité de des bonhommes de Rambo? Sylvester Stallone? David Caruso? Bruce Greenwood! Mais là, tu t'embarques dans le jeu. Ben, c'est un jeu, tu t'embarques. T'étais où? T'étais où mercredi, hein? À l'école? Et là, mon fils, il me répond, « Ben, papa, j'étais avec le professeur Moutarde dans le gymnase avec la corde. » Et là, on a ri, tu sais. On a ri parce que sur le moment, c'était drôle, tu sais. Hein? Et ça, je crois que c'est un bon exemple hein, de comment un enfant, par l'humour, peut affronter sa peur. Voilà. Mais, attention, mon fils a de la répartie. Il a compris tout de suite de quoi je parlais. Il m'a dit, papa, j'ai été naïf de penser que je pouvais me permettre par ma fonction de déroger à mes supérieurs. Il dit, des fois, il faut des secrets comme ça. On peut faire plus de secrets, je pense. Là, j'étais fier. Ah oui, oui, oui. Là, j'étais fier. J'ai dit, c'est presque ça. J'ai dit, fiston, la phrase, c'est « Des fois, il faut des secrets. Comme ça, on fait plus d'argent. Mais ça, l'argent, tu vas comprendre ça quand tu seras plus vieux. Moi! T'es super fort, puis l'angoisse dans les yeux de mon fils. Voilà. En terminant, activité père-fils réussie. On est rentré à la maison tranquille. J'ai fini de beurrer mes toasts secs. Ah, il était sec en crise. 1300 km, là, ça te refroidit des toasts. Je t'en passe un papier. Et c'est ça, j'ai fini de beurrer ces toasts-là pendant que Fiston faisait assassiner le toutou qui l'a mis sur écoute. Car faire fermer la gueule à l'adversaire, n'est-ce pas là toute la beauté de cette joute politique? Oh. Oh boy! Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! Ouf! Hey, c'était un 70% plein de sens ce soir. Ça, c'était deep, là. Hey, t'as vécu ça comment, toi? Écoute, on passe de lesbienne aux ringuettes. Au serpent, et voilà, ben ouais. On est rendu avec notre clown Alan Smithy. Son ami Rico, si je me souviens bien, oui. Des clowns, ouais. C'est que c'est hot, des clowns. Les deux ont le pouvoir de mettre mal à l'aise, et voilà. Je suis en train de l'avoir full pin. Et voilà, bientôt, en fait, moi, Alan et peut-être Rico et Milan, on va aller mettre des clips pour l'instant, s'il vous plaît. Merci à nos chroniqueurs de la soirée. On a eu Jean-Sébastien Carmen, on a eu Mathieu Boudreau, Jesse Bouchard, Antoine Lavigne, Fred Fournier et Damien Blas-Bouchard. Merci beaucoup à Bruno Corbin pour sa franchise. Merci à notre invité Yann Thériault. Yann, va pas trop loin. Parce qu'on commence notre set de VJ avec des clips pour te rendre honneur. Sinon, ben le site pour aller te voir, Yann Thériault, on va te trouver si on... YannThériault.com, puis c'est Crapule avec un S sur Twitter. Et voilà, donc allez l'ajouter sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission au complet. On te souhaite bonne chance avec le stream. Allez écouter ça. Sinon, ben donnez-nous quelques instants. Nick, pars un clip. Merci à Chinook. Merci à Nick. Merci à Élise. C'était 70% pour ce lundi. Et lundi prochain, on vous revient avec des nouvelles, Bruno et toutes les amis. Là-dessus, ben Nick, dans quelques instants, on met des clips. Attends, c'est vous de mon stage, vous autres. C'est malade. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here.